وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله، وأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفاعيله ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، ولا يملك من الأمر شيئا. فسووا في هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم الذي من عظمته الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات على سعتها وعظمتها مطويات بيمينه، فلا عظمه حق عظمته من سوى به غيره ولا أظلم منه. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il nous explique que ceux-là, c'est-à-dire les mushrikoun, les idolâtres, ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils associent donc avec Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala le respect qu'il mérite. Ils ne l'ont pas estimé comme il se doit. Et en faisant ça, ils ont même fait ce qui est en opposition, même qu'est-ce qui est en opposition et contraire au respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, en associant avec Allah subhanahu wa ta'ala celui qui est imparfait. Et c'est-à-dire ils ont associé ce qui est imparfait à Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui est déficient et faible, ils l'ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est faible et imparfait dans ses descriptions et dans ses actions, ils l'ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est imparfait et diminué et faible sur tous les plans et dans toutes ses actions, et qui ne peut pas profiter et qui ne peut pas nuire, et qui ne peut pas donner et qui ne peut pas retenir, et qui ne détient rien du commandement et qui ne détient rien du commandement. Et donc ils ont mis à égalité cette créature imparfaite avec Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le Seigneur, le très grand, celui qui parmi les exemples de sa grandeur et de sa force et de sa force contraignante et toute puissance, que toute la terre entière au jour de la résurrection va, Allah subhanahu wa ta'ala va en faire une seule poignée, et également les cieux seront pliés dans sa main droite, malgré sa grandeur, c'est-à-dire malgré la grandeur des cieux et la grandeur de l'univers qu'on observe autour de nous. Et bien malgré cette grandeur là Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand encore, et il prend les cieux et il les plie dans sa main droite. Donc il n'y a rien qui est plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui a mis à égalité ses créatures avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'a pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui a pas donné le respect qu'il mérite. Et c'est pour ça que justement après ça Allah subhanahu wa ta'ala dit subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, gloire à lui, qu'il soit purifié, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Et Cheikh Sa'di il dit ay tanazzaha wa ta'azama an shirkihim bihi, qu'il soit exalté et exalté et purifié de ce qu'ils ont associé avec lui, c'est-à-dire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on retourne au tafsir de l'imam Ibn Kathir par rapport à ce verset là eh bien il mentionne des points qui ont rapport à ça aussi, et il cite des exemples des paroles des salafs, de même que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet là et il dit يقول تعالى وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut dire dans ce verset, c'est que les mushrikoun, les associateurs, ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration ou dans un autre des aspects du tawhid, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite et ils n'ont pas respecté Allah comme il mérite d'être respecté lorsqu'ils ont adoré d'autres avec lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus grand et il n'y a rien de plus grand que lui. Et c'est lui qui est le Tout-Puissant et il a le pouvoir sur toutes choses. Et c'est lui le roi, hein? C'est lui le roi et le maître qui détient toutes choses. Et toute chose qui existe, tout ce qui existe est sous sa contrainte et sa puissance. قال مجاهد نزلت في قريش. مجاهد, un des grands savants de tafsir, a dit que ce verset était révélé à propos de Quraysh. وقال السدي ما عظموه حق تعظيمه. السدي, un autre grand savant de tafsir, il a dit ils ne l'ont pas respecté comme il mérite d'être respecté. قال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه. Mohammed ibn Ka'b, un autre parmi les ulama des salafs, il a expliqué que ça signifie qu'ils ne l'ont pas estimé, hein, comme il mérite, c'est-à-dire que s'il l'avait respecté ou estimé comme il le mérite, il ne l'aurait pas démenti. Il n'aurait pas démenti la révélation. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وما قدر الله حق قدره هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله علي بقدرة الله عليهم فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. Il dit, Ibn Abbas, qu'ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite, c'est-à-dire les kuffars qui n'ont pas cru en la puissance, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Donc celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a la puissance sur toute chose, alors celui-là il a estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite, tandis que celui qui n'a pas cru en la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien celui-là, et celui qui n'a pas cru, eh bien, il n'a pas estimé Allah comme il mérite. Et il dit ensuite, وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالطَّرِيقُ فِيهَا وَفِي أَمْثَالِهَا مَذْهَبُ السَّلَفِ وَهُوَ إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَحْرِيفٍ. Donc, l'imam Ibn Kathir, qui est en passant l'élève d'Ibn Taymiyyah, un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah, et donc qui est sur la voie des salaf, hein, il dit, au sujet de ce verset, qu'il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés et qui sont reliés à ce verset. Et la voie pour comprendre ce verset, ainsi que les versets semblables, qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et des descriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de les comprendre selon la voie des salafs. Hein, parce que l'imam Ibn Kathir est un salafi. Et il est sur la même voie que son cheikh, hein, cheikh Ibn Taymiyyah, cheikh de l'islam. Donc, il affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux Asha'ira, et contrairement aux Maturidiyya, contrairement aux Jahmiyya et aux Mu'tazila. Donc, il affirme les attributs d'Allah, et il explique que la voie des salafs, c'est de les accepter tels qu'ils sont, et de les prendre comme ils sont mentionnés dans la révélation, sans faire de takyif, et sans faire de tahrif. C'est-à-dire, sans essayer de chercher à comprendre le comment de ces attributs-là, ou à essayer de les décrire, et sans faire de déformation ou de falsification des sens de ces attributs-là. Une ghayri takyifin ou la tahrif. Hein? C'est-à-dire, on ne demande pas comment sont les attributs d'Allah, comment est la main d'Allah, hein? Et comment il va la plier le monde dans sa main droite, hein? Et comment est sa main droite, et ainsi de suite. Et on l'affirme telle qu'elle, et on ne change pas la signification, c'est-à-dire on ne va pas dire la main, ça ne veut pas dire la main, La main, ça veut dire la force. La main, ça veut dire la grâce. Ou des choses de ce genre parmi les différentes formes de tahrif qui existent chez les gens de tahrif parmi les Asha'ira et les Maturidiya qui donnent aux attributs d'Allah des définitions et des significations qui sont en contradiction avec leur sens dans la langue arabe. Donc ça c'est l'explication ici de l'imam Ibn Kathir. On doit retourner à la compréhension des salafs par rapport à ce genre de verset qui parle des attributs d'Allah et dans tous les autres aspects aussi du tafsir du Coran. Et après il dit wa rawa al-Bukhari an Abdullah ibn Mas'ud قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه. Donc le cheikh il mentionne que il y a un hadith apporté par l'imam al-Bukhari selon Abdullah ibn Mas'ud. Il dit qu'un rabbin parmi les rabbins des juifs est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Oh Muhammad, nous avons trouvé que Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, il va mettre les cieux sur un doigt hein, et il va mettre les terres sur un doigt et il va mettre les arbres sur un doigt et il va mettre l'eau et les plantes ou la nature sur un doigt, l'eau et la terre plutôt, sur un doigt et il va mettre toutes les autres créatures sur un autre doigt. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire « Je suis le roi ». Et lorsque le juif, le rabbin juif a dit ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ri hein, jusqu'à ce qu'on voit ses molaires, en confirmation de ce que le rabbin avait dit. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset 67 de sourate Az-Zumar qui dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. C'est-à-dire il a récité le verset 67, ils n'ont pas estimé Allah comme il le devrait, comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront dans sa main droite hein, les cieux seront plié dans sa main droite. Donc ça c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et ça nous montre qu'on doit affirmer hein, que Allah subhanahu wa ta'ala il a des doigts, il a une main, il a des doigts et qu'il va faire ce qui a été mentionné dans ce hadith au jour de la résurrection. Hein. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ce que ce juif là a dit. Et il a pas dit non, il faut pas dire ça, il faut pas affirmer les doigts à Allah, ou il ne faut pas dire que Allah a des doigts, et il n'a pas dit que yani, les doigts d'Allah sont semblables à ceux de sa créature. Il n'a fait que affirmer cette chose-là, et affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est tel qu'il est décrit. Et s'il y avait dans la parole de ce juif, ou de ce rabbin, quelque chose de faux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas approuvé. Donc ça c'est pour faire en même temps comprendre que on doit affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna. Et ceci, ça fait partie de sa sunna puisque c'est quelque chose qu'il a approuvé. Hein? C'est quelque chose qu'il a approuvé. Et il y a d'autres hadiths qui mentionnent également les doigts. Comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les cœurs des serviteurs d'Allah sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les tourne comme il veut. hein, il les fait tourner comme il veut, il les change comme il veut. Donc, c'est encore un autre hadith qui affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. Et donc, si quelqu'un vous demande, hein, qui a affirmé les doigts et qui a parlé des doigts, vous dites, ça c'est quelque chose qui a été affirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, hein. Et donc, si on vous accuse d'anthropomorphisme ou de tashbih, eh bien, vous dites, dans ce cas-là, vous êtes en train d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous êtes en train d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, d'avoir fait de l'anthropomorphisme. Et nous, on dit, on doit affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'elles sont, hein. Et on dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à sa création. Et il ne faut pas essayer de l'imaginer ou de décrire le commun, ou il ne faut pas non plus également nier l'attribut ou bien essayer de déformer son sens. Et on dit à ce sujet-là, comme à propos des autres attributs d'Allah, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Donc on affirme ça sans faire de ressemblance entre Allah et sa création. Et on dit que ses doigts correspondent à sa majesté et à sa grandeur et correspondent à, hein, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il mentionne d'autres narrations de ce hadith-là, hein, comme par exemple une autre narration de l'imam Ahmad qui rapporte, hein, il dit « وَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أُبَلِّغُكَ أَنَّ اللَّهَ يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبِعِ والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. Ça c'est يعني le même hadith à peu près. Et il dit, وقال أنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إلى آخر الآية. Donc ça aussi c'est une autre narration qui a le même sens également. Et donc il y a beaucoup de narrations semblables. Il y a une autre narration aussi, que la dernière qu'il a mentionnée, c'est وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرٍ بِلَفْظٍ آخَرٍ أَبْسَطَ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَأَطْوَلُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يعني يحركها فيقول بها ويدبر ويمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. Et non, donc ça c'est une autre narration dans laquelle le prophète صلى الله عليه وسلم a cité ce verset là et puis il a mentionné en bougeant sa main, hein, il la bougeait et il disait Allah subhanahu wa ta'ala, le Rab va se glorifier lui-même et il va dire je suis le Jabbar, hein, je suis Al-Mutakabbir, je suis Al-Malik, je suis Al-Aziz, je suis Al-Karim. Hein. Et dans une autre narration, il va dire Aina Muluk al-Dunya. Hein, il va dire, après avoir pris toutes les différentes parties de la création, et après les avoir placées chacun sur un de ses doigts, et après les avoir pliées dans sa main, il va dire je suis Al-Malik, An Al-Malik, Aina Muluk al-Ard. Je suis le roi. Où sont les rois? Où sont les souverains de la terre? Et ça, c'est rapporté par l'imam Muslim. Hein? Donc, il y a plusieurs narrations de ce hadith-là. Et donc, ça, c'est pour comprendre que ça fait partie des attributs d'Allah et de ce que les gens de Ahl Sunnah wal-Jama'a affirment. Et c'est une réfutation en même temps des gens de Bid'a, parmi les gens qui annulent ou qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui refusent d'affirmer à Allah ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, parmi les différentes sectes de bid'a qui ont dévié sur la question des noms et des attributs, comme on a dit, comme les Jahmiyyah, hein, qui nient complètement les noms et les attributs, ou bien les Mu'tazila qui nient les attributs en affirmant les noms, ou bien les Asha'ira et les Maturidiyah qui affirment 7 ou 8 attributs puis qui nient les autres. Donc la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est d'affirmer tous les attributs sans exception et tous les noms sans exception. Tout ce qui est mentionné dans la révélation, on l'affirme à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et on nie la ressemblance entre Allah et sa création, et on ne cherche pas le commun et on ne nie pas les attributs. Hein, ça c'est la voie d'Ahl Sunnah, et on ne déforme pas le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez également, si vous avez étudié Kitab al-Tawhid, que le dernier chapitre dans Kitab al-Tawhid, justement, c'est l'explication de ce verset-là et la mention de ce verset-là. Donc, c'est quelque chose qui est relié donc au Tawhid, puisque ça fait partie des attributs. Hein, Tawhid al-Asma et al-Sifat. Donc, ayant dit ça, maintenant, on passe au prochain verset, le verset 68 à 70. الله سبحانه وتعالى دي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Donc, ces versets qui signifient et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra, hein, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis, on y soufflera à nouveau et les voilà debout à regarder. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre où sont consignées les actions des hommes sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins. On décidera parmi eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Donc, le Cheikh Sa'di, il explique ça. Il dit, na'am. لما خوفهم تعالى من عظمته خوفهم بأحوال يوم القيامة ورغبهم ورهبهم فقال ونفخ في الصور وهو قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من خلقه فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين وأحد حملة عرش الرحمن. Donc le Cheikh dit, après avoir fait peur à ses serviteurs en ayant mentionné sa grandeur, il leur fait peur en mentionnant les situations et les états qui vont se présenter au jour de la résurrection. Et il les incite et il leur fait peur. C'est-à-dire, il les incite dans le sens qu'il les encourage avec des choses qui les encouragent à faire le bien pour obtenir le paradis, et il leur fait peur en leur mentionnant sa menace. Hein? Il les incite en mentionnant sa promesse, et il leur fait peur en mentionnant sa menace. Dans les versets qui suivent, il dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, c'est-à-dire on soufflera dans la trompe, et c'est comme un genre de corne immense. Personne ne connaît sa grandeur excepté son créateur ou celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui en a donné la connaissance parmi ses créatures, les messagers, hein, et les anges. Et il dit, donc personne ne connaît excepté son créateur ou celui à qui il a donné la science de ça. Et l'ange Israfil alayhi salam, qui est un des anges rapprochés d'Allah et un des porteurs du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, va souffler dedans. Fasa'iqa ay rashiya aw mata ala ikhtilaf al-qawlayn man fi as-samawati wa man fi al-ard ay kulluhum لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها ويعلمون أنها مقدمة له إلا من شاء الله ممن ثبته الله عند النفخة فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم وغيرهم. وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة الفزع. Donc, le chef il explique qu'ils seront foudroyés. Ils seront foudroyés, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont entendre ce premier coup de trompe, eh bien, à ce moment-là, ils vont tous tomber sans connaissance, ou bien certains, ou bien mourir. Soit ils vont tomber sans connaissance, ou ils vont mourir selon les deux différentes opinions à ce sujet-là. Parmi les savants de tafsir, certains disent ils vont tomber sans connaissance, d'autres ont dit ils vont mourir à ce moment-là. وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ c'est-à-dire ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, ils vont tous être foudroyés lorsqu'ils vont entendre ce premier coup de trompe à cause de sa force et à cause de sa grandeur et à cause de ce qu'ils savent du fait que c'est l'introduction du reste de ce qui va se produire par la suite. Donc ils savent que c'est la fin. Illa man sha' Allah. Donc ils vont tous être foudroyés excepté celui que Allah a voulu épargner. Mimman sabbatahu Allah, parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi lors de ce coup de trompe. Et donc ils ne seront pas foudroyés avec les autres, parmi eux comme exemple les martyrs ou certains d'entre les martyrs et d'autres également. Et ça, c'est le premier coup de trompe qui est appelé ou qu'on appelle yani nafqat al-sa'iq ou nafqat al-faza, c'est-à-dire le soufflement du foudroiement ou bien de la crainte, de la peur. ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون أي قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح وشخصت أبصارهم ينظرون ماذا سيفعل الله بهم. Donc maintenant, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va souffler, va ordonner qu'on souffle le deuxième coup de trompette ou de trompe, et à ce moment-là, ils vont tous être ressuscités. Et ça, c'est le soufflement de la résurrection. C'est pour dire que tout le monde sera ressuscité, et les voilà qui seront debout, en train de regarder. فإذا هم قيام ينظرون voilà debout en train de regarder. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire que ils seront déjà sortis de leur tombeau de leur tombe, et Allah subhanahu wa ta'ala les a ressuscités, il les a ramenés à la vie, c'est-à-dire qu'on leur a redonné leur création, leur corps leur corps physique et leur âme, et leur regard est fixé, leur regard est fixé à ce moment-là. Ensuite, le cheikh il dit, yanzurun ma za yaf'alu Allahu bihim, c'est-à-dire yanzurun, ils regardent ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire avec eux. وأشرقت الأرض verset 67 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. C'est-à-dire, et la terre resplendira et la lumière de son Seigneur et la lumière de son Seigneur et le livre sera déposé et on verra venir les prophètes et les témoins, on décidera parmi eux en toute équité, ils ne seront point lésés. Le Cheikh Sa'di il dit وأشرقت الأرض بنور ربها يعني علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل وهو كذلك فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تندثر ويعني يكون الناس في ظلمة فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشأهم نشأة يقوون على أن لا يحرقهم نوره ويتمكنون أيضا من رؤيته وإلا فنوره تعالى عظيم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه donc نعم le cheikh explique que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie que la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, c'est-à-dire qu'on sait de cela que les lumières qui existent actuellement vont disparaître au jour de la résurrection et vont être détruites. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, il n'y aura plus de soleil, de lune ou d'étoiles. Les gens vont être dans l'obscurité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans les versets que le soleil va être obscurci et que les étoiles vont devenir ternes et que les étoiles vont devenir ternes et il dit ensuite que même la lune va également devenir sombre, elle va être couverte, elle va plus faire de lumière. Yursaf. Et il dit ensuite, وَيَكُونُ النَّاسِ فِي ظُلْمَةٍ Les hommes seront dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et à ce moment-là, la terre va être illuminée par la lumière de son Seigneur. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va se manifester et qu'il va descendre pour établir le jugement entre eux. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux hommes une force. Allah subhanahu wa ta'ala va donner à la création une force et il va les créer d'une manière qui va leur donner la capacité d'endurer et de supporter la vue de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas qu'ils brûlent par sa lumière. Et donc, ils seront capables de le voir, excepté que sa lumière, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une lumière immense. Et si Allah subhanahu wa ta'ala montrait sa lumière dans ce monde actuellement, eh bien, les éclats de son visage auraient complètement brûlé tout ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala pose son regard parmi sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, on pouvait voir sa lumière dans ce monde, eh bien, les éclats de son visage auraient fait brûler tout ce qui touche le regard ou tout ce que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala touche de sa création. Donc, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va donner à sa création une capacité d'être capable d'endurer la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset wa wudi'a al-kitab, c'est-à-dire les livres seront posés, les livres des actions des hommes. Le cheikh il dit ay kitab al-a'mal wa diwanuhu wa wudi'a wa nushira li yuqra ma fihi min al-hasanat wa as-sayyi'at kama qala ta'ala ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Donc les livres seront posés, qui sont les livres des actions et le recueil des actions, et ces livres là seront posés et seront ouverts, et on va lire ce qu'il y a dedans comme bonne action et comme péché, comme mauvaise action, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Sourate Al-Kahf, le verset 49, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire, malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital, hein, c'est-à-dire ni grand péché, ni petit. Donc, c'est comme s'ils sont étonnés, ils sont choqués. Ils disent, malheur à nous, qu'a donc ce livre, hein, de ne rien omettre de ce qu'on a commis comme grand péché ou petit ou grand. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Et, yani, on va dire à la personne qui a fait ses actions, hein, pour leur montrer la justice totale, hein, et yani, l'honnêteté et la justice dans le jugement, on va leur dire, voici ton livre, lis ton livre, hein, tu es capable aujourd'hui de faire tes comptes par toi-même, parce que ce sont tes actions qui sont écrites dans le livre, et c'est ce que tu as fait, hein, qui est écrit dedans. Ensuite, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ لِيَسْأَلُوا عَنِ التَّبْلِيغِ وَعَنْ أُمَمِهِمْ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَالشُّهَدَاءُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَرْضِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. Donc, le cheikh dit, et on va ramener les prophètes pour qu'ils soient questionnés au sujet de leur transmission du message, ainsi que on va ramener ils vont être questionnés au sujet de leur umam, de leur nation, de leur peuple, et ils vont témoigner contre eux, washuhada, ainsi que les témoins parmi les anges et parmi les membres, c'est-à-dire que même les membres de ton corps vont témoigner, hein, contre toi, wal ard, même la terre va témoigner, elle va parler, hein, wa qudiya baynahum bil haqq, et on va juger, on va trancher entre eux et juger entre eux en toute vérité. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, hein? Et ils ne seront point lésés. On décidera entre eux en toute justice. Le cheikh dit, الْعَدْلُ التَّامُ وَالْقِسْطُ الْعَظِيمُ لِأَنَّهُ حِسَابٌ صَادِرٌ مِمَّنْ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ هُوَ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه والحفظة الكرام الذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب فيحصل حكم يقر به الخلق ويعترفون لله بالحمد والعدل ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم ولا تعبر عنه ألسنتهم ولهذا قال. Donc, le cheikh il explique que c'est la justice totale et absolue, hein, et la grande justice qui va être établie au jour de la résurrection, parce que c'est un jugement qui va être émis par celui qui ne fait même pas un poids d'atome d'injustice, celui qui enveloppe toute chose, hein, celui qui enveloppe toutes choses, et son livre, hein, et son livre qui est Al-Lawh al-Mahfouz, les tables préservées, enveloppe toutes choses de sa science, de même que Al-Hafazatul Kiram. Al-Hafazatul Kiram, c'est-à-dire les nobles gardiens parmi les anges qui ne désobéissent pas à l'ordre de leur Seigneur, hein, qui ont tout préservé et écrit ce qu'ils ont fait comme action, hein, et ils sont les, et on va ramener également les plus nobles témoins, hein, qui ont témoigné de cela, et on va juger, et ils vont juger, hein, ils vont juger. فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala va juger de ce jugement-là, parce que c'est lui qui connaît les différentes mesures des actions et ce que les actions méritent comme récompense ou comme châtiment. Hein? Il connaît la valeur des œuvres et la valeur de ce que ces œuvres-là méritent. Et donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hein, va émettre son jugement. Et toute la création va reconnaître la louange et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont savoir par ce jugement-là sa grandeur, ainsi que sa science, ainsi que sa sagesse, ainsi que sa miséricorde. Hein? À un tel point que même les cœurs ne peuvent même pas imaginer à quel point cette justice-là va être grande, et aucune langue ne serait même capable de l'exprimer. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin du verset, ou au verset suivant, le verset 70, wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. C'est-à-dire, ce qui signifie, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré, hein, et Allah, il connaît, il connaît mieux ce qu'ils font. Il connaît mieux ce qu'ils font. Ensuite, le cheikh explique les versets 71 à 75. Hein, les versets 71 à 75 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Les versets 71, on va commencer par celui-là. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe, hein, Zumara, hein, à l'enfer. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Zumara, ici c'est de là que vient le nom de cette surah. C'est ici que vient le nom de la surah Zumar, à cause justement des groupes qui sont rassemblés et amenés à l'enfer. Ici, il dit, puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront, et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous, ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur, et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici, ils diront, si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Hein? Donc, le cheikh Sa'di, il parle de ce verset-là, il dit وَلَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى حُكْمَهُ بَيْنَ عِبَادِهِ الَّذِينَ جَمَعَهُمْ فِي خَلْقِهِ وَرِزْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَاجْتِمَاعُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاجْتِمَاعُهُمْ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ فَرَّقَهُمْ تَعَالَى عند جزائهم كما افترقوا في الدنيا للإيمان والكفر والتقوى والفجور فقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم أي سوقا وعنيفا سوقا عنيفا يضربون بالصوت الموجعة والزبانية الغلاظ الشداد إلى شر محبس وأفظع موضع وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب وحضرها كل شقاء وزال عنها كل سرور وكما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون إليها دفعا وذلك لامتناعهم من دخولها يساقون إليها زمرا. Donc le cheikh explique, il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donc va juger entre ses serviteurs ceux qu'il a rassemblés dans leur création, dans leur subsistance et dans leur la gestion et le contrôle qu'il a eu sur eux, donc il va les réunir comme il les a réunis dans la dunya, il va également les réunir ensemble au jour de la résurrection et il va les séparer selon il va les séparer au moment de la rétribution de la même manière qu'ils étaient séparés et divisés dans la vie d'ici-bas entre la foi et la mécréance, la piété et la perversité. Allah subhanahu wa ta'ala va dire وَسِيقَ الَّذِينَ Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا يعني ils seront, c'est comme s'ils seront conduits, on va les conduire, ceux qui ont mécru, on va les conduire vers l'enfer. Et Allah, le cheikh, il explique que, c'est-à-dire qu'ils vont être conduits de façon violente, et ils vont être frappés par des fouets qui font mal, qui sont douloureux. Ils vont recevoir des coups de fouet douloureux à ce moment-là, et les anges de l'enfer, Zavania, qui sont des anges qui sont sévères et durs, vont les frapper et vont les conduire vers l'enfer, qui est la prison la prison la plus dure et la plus mauvaise et l'endroit le plus dur également. Et c'est l'enfer qui réunit tous les châtiments possibles, et qui réunit et qui rassemble également dans lequel est présent. Il y en a tout ce qui est existant comme malheur et dans lequel il n'y a aucune forme de bonheur et de joie. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un autre verset, dans une autre sourate, il dit يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْعَ c'est-à-dire le jour où on va les amener en enfer, qu'ils vont être poussés dans l'enfer. Naam, le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Naam, ils seront poussés vers l'enfer. Pourquoi ils sont poussés vers l'enfer? Le cheikh il dit, ils sont poussés vers l'enfer parce qu'ils refusent d'y entrer. Donc ils sont tirés, ils sont conduits par groupe vers l'enfer. Et ils sont tous séparés en groupe. Donc, chaque groupe avec son groupe. Selon les actions qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils se maudissent les uns les autres. Ils sont tous réunis par groupe selon leurs actions, selon leurs péchés, selon leurs égarements. Et ils se maudissent les uns les autres et ils se désavouent les uns des autres. Chacun se désavoue de l'autre parmi eux. Parmi les mécréants et les mouchriquins, les kuffars et les munafiquins et les gens qui ont commis des péchés que Allah subhanahu wa ta'ala veut châtier, et ainsi de suite. حتى إذا جاءوها أي وصلوا إلى ساحتها فتحت لهم أي لأجلهم أبوابها لقدومهم وقرا لنزولهم. Donc, jusqu'à ce qu'ils arrivent, hein, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'enfer, et ses portes s'ouvriront. Et ses portes s'ouvriront. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la place, devant les portes de l'enfer, les portes s'ouvrent automatiquement, les portes s'ouvrent immédiatement, hein, pour les faire rentrer et pour les amener à l'enfer pour qu'ils y tombent. Donc c'est pas, il n'y a pas de délai. Aussitôt qu'ils arrivent, les portes s'ouvrent, ils tombent, hein, dans l'enfer. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, wa qala lahum khazanatuha مهنئين لهم بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي موبخين لهم على الأعمال أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع ألم يأتكم رسل منكم أي من جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم وتتمكنون من التلقي عنهم يتلون عليكم آيات ربكم التي أرسلهم الله بها الدل على الحق اليقين وبأوضح البراهين. Donc le cheikh il explique ici, et les gardiens de l'enfer, hein, les anges qui sont les gardiens de l'enfer leur diront, hein, et le cheikh il explique, il dit, c'est-à-dire ils sont là les gardiens de l'enfer pour les féliciter du malheur éternel qui les attend et du châtiment éternel qu'ils vont subir, et pour les blâmer également des actions qu'ils ont fait, qui les ont conduits en enfer, dans cet endroit, hein, dans cet endroit mauvais. Alam yatikum rusulum minkum, donc les gardiens leur demandent, n'est-ce pas que des messagers d'entre vous sont venus vers vous, c'est-à-dire des messagers de la même espèce que vous connaissez et qui vous connaissent et que vous êtes capable de prendre la science d'eux, hein, et d'apprendre d'eux, vous étiez capable d'apprendre avec eux. Yatluna alaykum ayati rabbikum allati arsalahum Allahu biha ad-dall 'ala al-haq. Donc ils vous récitaient les versets de votre Seigneur que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec eux et qui indique et qui prouve la vérité et la certitude de la, avec les preuves les plus claires. وينذرونكم لقاء يومكم هذا, et يعني ils vous avertissent, يعني de la rencontre que vous allez avoir ce, يعني en ce jour, hein, اي هذا وهذا يوجب عليهم اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم باستعمال تقواه وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال. C'est-à-dire, ils ne vous ont-ils pas averti de la rencontre de ce jour que voici? C'est-à-dire, ça c'était, qu'est-ce qui était obligatoire pour vous de suivre? Et vous auriez dû faire attention et prendre garde, hein, au châtiment de ce jour en utilisant la crainte d'Allah et la piété, at-taqwa, hein. Mais votre état était contraire à cet état, hein. Et donc c'est pour ça que vous n'avez pas pris en considération le message. قالوا مقرين بذنبهم وأن حجة الله قامت عليهم بلى قد جاءنا رسل ربنا بآياته وبيناته وبينوا لنا غاية التبيين وحذرونا من هذا اليوم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين أي بسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات الله وجحد ما جاء به المرسلون فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم. C'est-à-dire que ces gens-là, hein, qui sont poussés vers l'enfer, ils répondent et ils diront si, c'est-à-dire oui, des messagers nous sont venus avec des versets et des preuves pour nous avertir de ce jour. Hein? C'est vrai, c'est la vérité. Mais, yani, le cheikh dit donc, ils reconnaissent de leurs péchés. Et ils reconnaissent que la preuve d'Allah a été établie contre eux. Donc ils disent, certes, oui, des messagers sont venus de la part de notre Seigneur avec des versets clairs qui nous ont été clarifiés ils nous ont expliqué les choses et clarifié les choses de la meilleure façon et de la façon la plus complète, et ils nous ont avertis de ce jour. Mais yani, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne, mais ils disent, mais c'est avéré juste contre nous, le décret du châtiment d'Allah, contre les mécréants. Donc, il dit le Cheikh, أي بسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات الله وجحد ما جاء به المرسلون فاعترفوا بذنبهم. Donc, le Cheikh, il explique, il dit, à cause de leur mécréance, eh bien, la parole du châtiment s'est avérée obligatoire pour eux, et c'est-à-dire que ce châtiment, il est pour toute personne qui rejette les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nie ce que les messagers ont apporté, et à ce moment-là, ils reconnaissent leurs péchés et ils admettent ce qu'ils ont fait, et ils admettent, ils reconnaissent que la preuve a été établie contre eux. فَقِيلَ لَهُمْ أُدْخُلُوا فَقِيلَ لَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْإِهَانَةِ وَالْإِذْلَالِ أُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدْخُلُ مِنْ بَابِ الَّذِي يُنَاسِبُهَا وَيُوَافِقُهَا أُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَضْعَنُونَ عَنْهُمْ وَلَا يَفْتَرُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ سَاعَةً وَلَا يُنْظَرُونَ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ أي بئس المقر النار مقرهم وذلك لأنهم تكبروا على الحق فجازاهم الله من جنس عملهم بالإهانة والذل والخزي. Donc, يعني Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit par la suite ce qui signifie, donc il leur sera dit pour les humilier et pour les rabaisser, entrer par les portes de l'enfer, par les portes de l'enfer. Et comme c'est mentionné dans un autre verset, l'enfer, elle a sept portes. Elle a sept portes. Et le Cheikh, il dit, ça c'est dans Surat Al-Hijr, laha sab'atu abwab. Donc l'enfer, elle a sept portes. Et il dit, chaque groupe va rentrer par une porte qui lui correspond et qui est en accord avec son œuvre. Khalidina fiha, c'est-à-dire pour y demeurer éternellement. Et ils ne vont jamais avoir de répit dans ce châtiment. Et on ne va pas leur donner de pause dans la punition. Fabi'sa mathwa al-mutakabbirin. Donc, c'est-à-dire quel mauvais lieu, quel mauvais gîte de séjour des orgueilleux. Qu'il est mauvais le gîte ou le lieu de le lieu de séjour des orgueilleux, c'est-à-dire comme c'est un mauvais endroit et leur lieu de séjour où ils vont rester éternellement, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enflés d'orgueil contre la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a donc rétribués par qu'est-ce qui correspond à la même catégorie que leurs actions. Comme ils se sont enflés d'orgueil, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés. Il répond à ce péché-là, le péché de l'orgueil, en humiliant ceux qui ont été coupables de l'avoir commis. Et il dit ensuite, ثُمَّ قَالَ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وسيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته سوق إكرام وإعزاز يحشرون وفدا على النجائب إلى الجنة ثمرا. Donc le Cheikh il a lu et on a lu le tafsir du verset 71, et ceux qui ont mécru seront conduits par groupe. On a lu ce verset-là, on a lu l'explication, et ensuite le verset 72, Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenant aux gens du paradis, le verset 72, c'est au sujet des gens de l'enfer, entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, acquis des mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Le verset 73. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis, puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Hein? Donc le cheikh il explique maintenant ce verset. Donc il dit: et les gens du paradis, hein, sont amenés et sont conduits, hein, ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la crainte, ceux qui ont eu la taqwa et qui ont eu la crainte de leur Seigneur et qui ont été pieux envers leur Seigneur en établissant son tawhid et en agissant selon son obéissance, ils seront conduits de façon noble et de façon honorée. Hein. Ils vont être rassemblés, hein, en délégation, hein, en délégation, et ils vont être ramenés par groupe au paradis. فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ كُلُّ زُمْرَةٍ مَعَ الزُّمْرَةِ الَّتِي تُنَاسِبُ عَمَلَهَا وَتُشَاكِلُهُ. Donc il dit, ils vont être heureux et ils vont se réjouir, chaque groupe avec le groupe qui lui correspond selon son action, hein, et selon sa catégorie. Hein, on sait que il y a différentes portes pour le paradis, hein, et il y a, comme il y a différentes portes pour l'enfer. Donc je me souviens plus si le nombre de portes du paradis c'est 7 ou 8. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. De toute façon, les gens du paradis sont amenés, et chacun selon les actions qu'il faisait. Et donc, comme on connaît le hadith, qu'au jour de la résurrection, chacun sera appelé par l'action qu'il faisait. Hein? Et il y en a qui seront appelés par la porte des jeûneurs, qu'on appelle Babu Rayyan. Hein? Et il y en a d'autres qui seront appelés par une autre porte. Et c'est dans un hadith que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a dit: est-ce qu'il y aura des gens qui seront appelés de toutes ces portes en même temps? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, et j'espère que tu en seras un d'entre eux, ou je crois que tu seras un d'entre ceux-là. Hein? Donc c'est un exemple de ça, et donc ça prouve qu'il y a différentes portes qui sont selon les différentes actions et les groupes. Donc des gens du paradis vont rentrer selon les œuvres qu'ils faisaient. حتى جاءوها, hein, jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Hey, وصلوا تلك الرحاب الرحبية والمنازل الأنيقة وهب عليهم ريحها ونسيمها وأنا دخولها ونعيمها وفتحت لهم أبوابها فتح إكرام لكرام الخلق ليكرموا فيها. وقال لهم خزنتها تهنئة لهم وترحيبا سلام عليكم, أي سلام من كل آفة وشر وحال, عليكم طبتم, أي طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته, وألسنتكم بذكره وجوارحكم بطاعته, فبسبب طيبكم ادخلوها خالدين لأنها الدار الطيبة ولا يليق بها إلا الطيبون. Donc, lorsqu'ils arrivent devant les portes, ils sont accueillis par les plus belles accueils, et ils descendent dans les demeures les plus confortables et les plus belles, et ils sentent l'odeur du paradis, et ils y entrent, hein, ils entrent dans les délices, et on leur ouvre la porte, et on leur ouvre de façon honorable, à cause de l'honneur de cette création, parce que on sait que la première des créatures pour qui on va ouvrir la porte du paradis, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait demandé qu'on lui ouvre. Hein? C'est pas comme les gens de l'enfer qui, aussitôt qu'ils arrivent devant la porte s'ouvre pour eux tout de suite et ils tombent en enfer, tandis que les portes du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive devant et il frappe et on lui demande hein, qui est là et il répond et il dit je suis Mohammed et on lui dit c'est à toi qu'on nous avait ordonné de n'ouvrir qu'à et à personne d'autre que toi. Et donc à ce moment-là les portes s'ouvrent et ils sont permis d'entrer donc dans le paradis. Et il dit na'am. Donc c'est pour les honorer hein, pour les honorer de cette façon. Wa qala lahum khazanatuha, les gens qui sont les gardiens du paradis, les anges qui sont les gardiens du paradis, leur font des félicitations et les accueillent avec beaucoup de yani avec la bienvenue et avec la joie hein, avec le yani les accueille chaleureux et il leur donne le salut hein, ils leur disent paix sur vous salamun alaykum hein, c'est-à-dire yani soyez en paix et soyez exempt de tout mal et de tout état mauvais hein, sur vous. Vous avez été bon, c'est-à-dire vos cœurs ont été bons à cause de la connaissance d'Allah et de l'amour d'Allah et de la crainte d'Allah, et vos langues ont été bonnes à cause de son rappel, de même que vos corps ont été bons par rapport à, au fait que vous avez utilisé ce corps pour son obéissance. Alors, à cause de cette bonté, entrez, hein, entrez dans le paradis pour y demeurer éternellement, parce que c'est la demeure de la bonté qui ne correspond ou qui ne convient qu'à ceux qui ont été bons. C'est la demeure de la bonté qui ne convient qu'à ceux qui ont été bons. Et il dit ensuite wa qala fi an-nar futihat abwabuha wa fil janna wa futihat bil waw isharatan ila anna ahl al-janna anna ahl an-nar بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها من غير إنذار ولا إهمال ليكون فتحها في وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابها. أما الجنة فإنها الدار العالية الغالية التي لا يوصل إليها ولا ينال كل أحد ولا ينالها كل أحد إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها. ومع ذلك فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليهم، فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليها، بل يستشفعون إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يشفع فيشفعه الله تعالى. Donc le cheikh il explique que dans ce verset ici, comme je vous expliquais aussi tout à l'heure, je vous ai mentionné ça, mais le cheikh là il explique plus en détail. Il dit que par rapport à l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que directement quand ils arrivent devant les portes, elles s'ouvrent, futihat abwabuha, tandis que quand c'est le paradis, il y a le waouh qui a été rajouté. Hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Ça c'est pour l'enfer. Tandis que pour le paradis, hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Et ça c'est pour montrer que les gens de l'enfer, aussitôt qu'ils arrivent devant l'enfer, ces portes s'ouvrent. Et ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de répit. Aussitôt qu'ils arrivent, les portes de l'enfer s'ouvrent dans leur visage à leur arrivée avec la grande chaleur et le dur châtiment. En ce qui concerne le paradis, c'est différent parce que c'est une demeure élevée et précieuse. Et yani, on ne peut pas y entrer ou y arriver. C'est pas n'importe qui peut y entrer ou qui peut y arriver, excepté celui qui a fait les causes et qui a pris les moyens nécessaires pour y arriver. Hein? Et malgré cela, ils ont besoin pour y entrer de l'intercession de la plus noble des, du plus noble des intercesseurs, et yani, elle ne sera pas ouverte, cette porte, aussitôt qu'ils arrivent. Mais ils doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intercession de son prophète jusqu'à ce qu'il intercède pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour, à Allah pour demander que les portes soient ouvertes, et les portes seront ouvertes à ce moment-là. Et donc ça, ça fait partie des intercessions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui sont spécifiques et exclusives. Hein? Et il dit « وفي الآية وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق وأن لكل منهما خزنة وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهما بخلاف سائر الأمكنة والدور. » Le cheikh il dit qu'il y a également dans ces versets une preuve que l'enfer et le paradis ont des portes et qu'elles elles s'ouvrent et elles se ferment, et que chacun d'entre eux, c'est-à-dire chacun du paradis et de l'enfer, ont tous les deux des gardiens, et ce sont deux demeures, paradis et l'enfer, ce sont deux demeures qui sont yani, uniquement réservées à ceux qui les méritent. Hein, ceux qui méritent l'enfer rentrent en enfer, ceux qui méritent le paradis rentrent au paradis, contrairement à tous les autres endroits et toutes les autres maisons où n'importe qui peut rentrer sans condition. Le paradis et l'enfer, c'est pas la même chose. وقالوا عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدين ربهم على ما أولاهم على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم الحمد لله الذي صدقنا وعده أي وعدنا الجنة على ألسنة رسله إن آمنا إن آمنا وصلحنا فوفى لنا بما وعدنا وأنجز لنا ما منانا أورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي ننزل منها أي مكان شئنا ونتناول منها أي نعيم أردنا ليس ممنوعا عنا شيء نريده فنعم أجر العاملين الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل منقطع فنالوا بذلك خيرا عظيما باقيا مستمرا. Donc le chef il dit qu'ils ont dit au moment de leur entrée, hein, lorsque les gens du paradis rentrent dans le paradis et qu'ils ils s'y installent et qu'ils vont y demeurer, ils disent en glorifiant leur Seigneur pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme faveur et pour les avoir guidés, louange à Allah, celui qui a fait yani, celui qui a tenu sa promesse envers nous. Hein? Sadaqana wa'dahu. Louange à Allah, celui qui a tenu sa promesse envers nous. C'est-à-dire, il nous avait promis par la langue de ses prophètes et de ses messagers, il nous avait promis le paradis si on était croyant et si on était bon. Et il nous a tenu cette promesse, hein, qu'il nous avait faite, et yani, il nous a donné ces faveurs qu'il nous avait yani, qu'il nous avait promis. Awrasana al-ard, ay ard al-janna, il nous a yani, il nous a fait hériter de la terre, et le cheikh explique que c'est la terre du paradis. Natabawwa'u min al-jannati haythu nasha, c'est-à-dire yani, nous pouvons nous installer dans le paradis là où nous voulons, hein. Parce que quand on dit yani, la terre, parmi les kuffars, yani, parmi, comme par exemple les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas en l'enfer, et il croit que le paradis c'est sur la terre. Il ne croit pas que le paradis c'est yani, dans un autre endroit que la terre. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il nous a fait hériter de la terre, c'est-à-dire pas la terre de la dunya, la terre du paradis, hein, parce que le sol, c'est-à-dire le sol du paradis ici. Et natabawwa'u min al-jannati haythu nasha. Donc on peut s'installer où on veut, peu importe l'endroit, on peut s'installer dans le paradis et on peut aller et prendre tout ce qu'on désire comme délice, hein, qu'on désire ou qu'on veut. Il n'y a rien qui nous est interdit de faire. Hein, il n'y a rien qui nous est empêché de ce qu'on veut. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ اجْتَهَدُوا بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ فِي زَمَنٍ قَلِينٍ. Donc, فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, c'est-à-dire, on dit, يعني, فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, que la récompense de ceux qui ont fait le bien est excellente. Hein, que la récompense de ceux qui ont le bien est excellente. C'est-à-dire ceux qui ont fait des efforts dans l'obéissance de leur Seigneur dans un temps qui était très court, hein, qui était très limité, mais ils ont fait du bien dans ce temps-là qu'ils étaient sur la terre, et à cause de ça, en récompense de ça, ils ont eu un grand bien qui est éternel et qui dure éternellement par la suite. فَهَذِهِ الدَّارُ الَّتِي تَسْتَحِقُّ الْمَدْحِ عَلَى الْحَقِيقَةِ الَّتِي هذه الدار التي وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة التي يكرم الله فيها خواص خلقه ورضيها الجواد الكريم لهم نزلا وبنى أعلاها وأحسنها وغرسها بيده وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين ويزول الكدر ويتم الصفاء. Donc le cheikh il dit donc que c'est cette demeure qu'il a préparée pour les croyants, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala mérite la gloire en réalité, la glorification en vérité et en réalité, et c'est une demeure par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va honorer et va faire preuve de générosité envers ses créatures élues, parmi les meilleures de ses créatures, hein, et radiyaha, donc Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait de cette demeure là, hein, pour sa générosité pour eux, hein, comme habitation et comme endroit où ils vont demeurer pour l'éternité, et il l'a construit de la plus belle façon et de la plus grande façon, et il l'a fait avec sa propre main, cette demeure, hein, et il l'a couvert de sa miséricorde et de sa générosité, hein, et cela va réjouir celui qui était triste et va faire partir toute forme de tristesse ou de malheur, et toute la pureté va être complétée. Après, il dit dans le verset 75: وترى الملائكة حافين من حول العرش أيها الرائي ذلك اليوم حافين من حول العرش أي قد قاموا في خدمة ربهم واجتمعوا حول عرشه خاضعين لجلاله معترفين بكماله مغترقين بجماله يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا. Le cheikh il explique donc le verset, on a lu le verset 73, hein, et ceux qui avaient craint leur Seigneur sont conduits par groupe au paradis, puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Ils diront « Louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter de la terre. » Hein, et nous allons nous installer dans le paradis là où nous voulons, hein, que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et le dernier verset, le verset 75, et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant, et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, le cheikh, il explique ce verset, il dit, tu vois les anges, ô toi qui verras ce jour-là, ce grand jour, qui encerclent, ou qui font le tour, hein, du trône, ils tournent autour du trône, c'est-à-dire, ils ont servi leur Seigneur et ils se sont rassemblés autour du trône en s'humiliant devant sa majesté et en reconnaissant sa perfection, hein, مستغرقين بجماله noyé dans sa beauté, il célèbre et glorifie Allah et célèbre sa louange, hein, célèbre la louange de leur Seigneur, hein, et c'est-à-dire qu'il le purifie de tout ce qui ne lui convient pas, de tout ce qui ne convient pas à sa majesté et de ce qui lui avait été attribué par les mouchriquins et ce qui ne lui avait pas été attribué. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, c'est-à-dire, et on a jugé entre eux en toute équité. Donc le cheikh il dit, hein, on a jugé entre eux en toute équité, بَيْنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْخَلْقِ, entre les premiers et les derniers des créatures, en toute vérité, الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه ممن عليه الحق, c'est-à-dire en toute vérité, au sujet de laquelle il n'y aura pas de doute ou d'ambiguïté, et que personne parmi ceux qui ont un droit ne va dénoncer ou critiquer. وقيل الحمد لله رب العالمين, et on dira louange à Allah le Seigneur des mondes. لم يذكر القائل من هو ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار وحمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة. Donc ici on dira louange à Allah le Seigneur des mondes, il est mentionné à la forme passive. C'est-à-dire, le cheikh dit, on n'a pas mentionné qui était celui qui le disait. C'est-à-dire, qui dit « Alhamdulillah Rabbil Alameen ». Et on n'a pas dit qui c'était pour indiquer que c'est toute la création qui dise louange à leur Seigneur, la louange à leur Seigneur, et « Na'am »« Bihamd Rabbihim wa hikmatuhu » إنهم نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل donc par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle il a jugé, hein, sur les habitants du paradis et les habitants de l'enfer, donc il est glorifié de pour cette grâce et pour cette bonté, et il est également glorifié pour sa justice et pour sa sagesse. Et donc ça, c'est ce qui vient conclure maintenant la lecture du tafsir de l'imam Cheikh Sa'di de cette sourate. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous cette œuvre de ce tafsir qu'on a lu, et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi ceux qui seront avec les gens qui seront parmi les groupes qui vont au paradis, et qu'ils nous préservent des groupes qui vont en enfer. Et on demande à Allah d'accepter de notre part cette œuvre, pendant ce mois de Ramadan, on sait que dans ce mois, les œuvres sont multipliées et la récompense est multipliée. Donc, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour ça et nous pardonne de nos péchés. Et سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et je crois que la lune a été vue dans يعني plusieurs pays, donc probablement que demain sera l'Eid, inshallah. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.